Paul ? Oui, ben, moi, comme je n'ai pas eu de questions de, outre les siennes, non, écoute, je crois qu'on n'aura pas le temps. Je vais faire comme à la radio, c'est-à-dire que le PowerPoint, je vais décrire, je vais sélectionner, non, puis en plus, il y a 50 slides. Non, il y avait quelques photos qui étaient peut-être intéressantes à voir, mais c'est pas grave, je vais les décrire. Tiens, je cherche ça. Regarde. Non, on va faire ça, tu vois, ça va être mieux. Par contre, je vous le donnerai après, puis on pourra en discuter. Puisque vous avez répondu sur... peut-être Gabriel et Pierre n'ont pas trop répondu sur les rapports de la question des rapports de domination. Oui. Donc, je vais peut-être reprendre là-dessus. En reprenant aussi la question de la spécificité du nucléaire par rapport à d'autres industries à risque. Et personnellement, moi je voudrais dire un petit mot de... c'est vrai que dans le travail que j'ai fait jusqu'à présent, c'était beaucoup avec Annie Thébaumoni, donc la perspective d'une sociologie des rapports de domination, c'est classique, bourdieusienne d'inspiration, et peut-être c'est ça qui prime. Mais je vois que j'ai un camarade de l'UGSPM, Damien Delbic, qui est là, qui me fait penser qu'une autre source d'inspiration pour moi, c'est aussi la sociologie pragmatique française, donc Boltanski-Thévenot d'un côté, La Tour-Calon de l'autre. Et c'est un work in progress. Donc c'est vrai que ce n'est pas l'aspect le plus saillant de ma recherche jusqu'à présent pour ce qui concerne le nucléaire, mais moi j'ai ça à cœur. Et alors notamment en ce qui concerne l'état de la critique, par exemple, en ce qui concerne la mesure du risque. Non mais franchement, je crois que ça sera mieux sans... Parce que tu vois, si en plus on coupe la lumière, on va s'endormir. Donc comme ça, je contrôle si ça... Quand je deviens emmerdant. Donc, en ce qui concerne l'état de la critique par rapport à la mesure du risque, parce que c'est ça l'épidémiologie, que ce soit l'épidémiologie, la radioprotection, la mesure de la dose, enlever le dosimètre ou le mètre, tout ça, c'est une question de mesure du risque. Mais il y a tout un tas de choses qu'on ne voit pas. Enfin, qu'est-ce que l'immesurable ? Et comment est-ce qu'on fait une sociologie de cet inquantifiable, de cet incommensurable ? Ça a l'air un peu abstrait comme ça, mais je vais essayer d'être plus concret. Pascal, tu as évoqué l'expert en question auprès du Premier ministre, s'appelle Kosako Toshiso. Il est professeur à l'Université de Tokyo. Et j'ai attendu... Donc il a démissionné fin avril 2011. J'ai été frappé effectivement par son acte de contrition télévisuelle. C'est peut-être une spécificité japonaise, effectivement, ce fait de pleurer en public, alors qu'on le fait en privé. Déjà, c'est très rare de pleurer au Japon. C'est l'image de Minamata aussi. Là. C'est curieux. Mais enfin bon, bref, laissons cette analyse culturelle de côté. C'était un moment fort. Et il a déclenché des engagements pour pas mal de militants antinucléaires qui avaient abandonné l'opposition nucléaire et puis qui s'y sont remis après Fukushima. Mais il y a eu un moment de... Comment dire ? J'ai vu tout un tas de militants, même très très engagés sur les enjeux de questions, sur les questions de pollution industrielle, complètement tétanisés par la catastrophe. Là, il y a un avant et un après l'événement. Il y a eu 2 mois de flottement où beaucoup de gens auparavant très engagés étaient un peu en apnée. Sauf effectivement les gens de certaines ONG à Tokyo. Mais enfin. En tout cas, sa déclaration a eu un impact très fort. Et dans sa déclaration, il mentionnait en effet le fait que la norme de 20 millisieverts, donc la norme pour un citoyen lambda, c'est 1 millisievert par an. Et tout d'un coup, on passait effectivement de 1 à 20 millisieverts pour les enfants et puis 250 millisieverts pour les enfants. Donc 20 millisieverts pour les enfants. Et il mentionnait le fait que, avant la catastrophe de Fukushima, sur une population de plus de 80 000 ouvriers intervenant dans les près de 50 centrales nucléaires en activité au Japon avant Fukushima, aucun ouvrier, en tout cas en 2009, aucun ouvrier n'avait été exposé à 20 millisieverts par an. Et si on regarde sur une période un petit peu plus longue, pour par exemple de 2003 à 2009, il y a eu en tout et pour tout une vingtaine d'ouvriers qui ont été exposés à cette quantité de 20 millisieverts par an. Or, depuis le 11 mars 2011, on est à plus de 4000. C'est-à-dire que rien qu'avec les travailleurs, donc les liquidateurs intervenant à Fukushima, on est à plus de 4000. Donc 4000 depuis mars 2011 contre 20 de 2003 à 2009. Pour les chiffres dont on dispose, hein, c'est-à-dire qu'avant, il y en avait beaucoup qui avaient été exposés à des doses plus importantes, mais on n'a pas... Et donc, le fait que Kosako mentionne, enfin, dans... Est-ce qu'il y a une focalisation sur les enfants? Bon, évidemment, les enfants, c'est l'avenir, c'est la victime innocente, donc c'est... l'image de l'enfant victime de la catastrophe, c'est une image très forte. Il y a tout de suite la mémoire de Tchernobyl, Hiroshima, Nagasaki qui revient, et ça mobilise plus facilement. Et donc, le fait de dire, voilà, on expose des enfants à une dose que même des ouvriers ne subissent pas. Mais, en même temps, il ne revient pas sur cette... ségrégation inhérente à l'industrie nucléaire qui fait que, bon, il y a de la dose, il faut la gérer, il faut faire avec, et que ce soit au niveau international, comme je pense au chapitre de Gabriel sur l'Afrique du Sud, c'est fort. Là, on voit l'apartheid dans toute sa crudité. Vraiment, les ouvriers blancs bénéficient d'un certain régime de protection, tandis que les ouvriers noirs, ils savent même pas qu'ils sont en train de manipuler de l'uranium radioactif. Donc, mais, bon, sans vouloir faire des comparaisons trop osées, mais on peut dire d'une certaine façon, la sous-traitance en nucléaire, que ce soit dans le travail de Pierre pour la France, ou le mien plus modeste par rapport au Japon, c'est aussi un système de ségrégation. Alors, peut-être pas racial. Hein. Gunther Wallraff avait montré qu'en cas de l'Allemagne, effectivement, c'était les Turcs qui... Non. Je ne sais pas si en France, peut-être pas... Les tâches les plus dégueulasses ne sont pas forcément confiées à des travailleurs maghrébins, ou je ne sais pas si on retrouve... Au Japon, il y a peu de travailleurs migrants. Bon, alors, à Fukushima, il y a une dizaine d'années, j'avais un militant qui m'avait attiré mon attention sur le fait qu'on embauchait des Indonésiens ou des Philippins en stage. Donc, ils étaient soumis à des doses importantes. Il y a les curacumines. Un petit mot sur... Comment ? Il y a les curacumines. Mais c'est des Japonais, les bolacumines, c'est pas... C'est des sous-hommes pour les Japonais. C'est touchable. Ouais, si vous voulez, bon. C'est vrai. Mais c'est pas une autre race au sens... Enfin, bon, ouais. Je voudrais... Non, mais vous avez raison, mais c'est un peu compliqué. Je ne voudrais pas trop m'avancer sur les bolacumines. Je voudrais dire un petit mot de l'état de la critique au Japon, mais dans une interaction très forte avec l'international, parce qu'il y a beaucoup d'experts, de tout un... y compris des sociologues, qui vont au Japon depuis Fukushima, oui. Et je voudrais dire un petit mot de comment je perçois l'état de la critique. Et là, je voudrais m'appuyer sur des concepts. Alors, oui, non, juste avant de rentrer dans les concepts, je disais que Kosako évoquait évoquait la situation des ouvriers pour. Enfin, faisait un parallèle entre les doses subies par les ouvriers avec les doses subies par les industriels. Quand on va à Fukushima aujourd'hui, dans toutes les grandes gares, c'est le cas de Fukushima, la ville de Fukushima, Okoriyama, là j'ai une photo où on voit sur la place de la gare, il y a une horloge, l'horloge publique, enfin, hein, au bas de cette horloge, on a un dosimètre public qui nous donne l'état de la radioactivité sur la place de la gare. Alors là, en l'occurrence, c'était en juin 2012, on était à 0,286 microsieverts par heure, ça fait environ 2,51 millisieverts par an. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la préfecture de Fukushima met une grande partie du nord-est de la région de Tokyo, ça va jusqu'à Chiba, etc., est devenue ce qu'on appelle en japonais, alors c'est pas la zone rouge, mais c'est une zone, en japonais on dit Kanmikuiki, c'est la zone contrôlée. Donc il y a un militant anti-nucléaire qui a eu cette image de dire, ben voilà, notre préfecture, c'est devenu une zone contrôlée. C'est-à-dire que le citoyen lambda, maintenant, il vit comme vivait un ouvrier auparavant. C'est-à-dire que les petits gamins, ils vont à l'école avec un dosimètre autour du cou. Voilà, alors dans ce contexte, très évidemment, alors vous pouvez imaginer ce que c'est que d'être un père, une mère à Fukushima avec de... Bon. D'ailleurs, beaucoup de divorces provoqués par cette situation, hein, parce que, bon, peut-être que certaines femmes sont plus sensibles et donc préféreraient partir. Non, c'est pas la peine. Je précise que quand tu dis sensible, hein, ça veut pas dire plus émotive, mais que tu l'avais déjà expliqué, que c'est qu'en fait, elles suivent mieux l'information scientifique, alors que les hommes, en fait, croient plus. Oui, à ce que leur raconte le gouvernement. Ah ben là, c'est un problème de type d'info, c'est-à-dire que tu as la télévision et puis tu as Internet. Oui. Elles sont plus soucieuses de la voilà. Vie de leurs enfants, c'est elles qui font la cuisine. On voit la une. Ce sont des hommes qui sont insensibles, voilà. Ce sont des hommes qui sont insensibles et qui font le déni parce qu'ils ont besoin de travailler et ils ne veulent pas partir. Tu parles un peu nonchalamment comme ça. Non, je suis pas nonchalant. C'est des situations dramatiques parce qu'il y a la pression à l'intérieur de la communauté, des gens qui ne veulent pas partir, qui empêchent aussi, qui font la pression. Les gens qui parlent de la radioactivité sont traités des fois d'hystérique, etc. Donc il y a des. Bon, donc là, il y a toutes sortes de situations, mais bon, voilà. Non, mais on est d'accord. Hein. Je ne suis pas nonchalant. Hein. C'est peut-être plus la gêne pour exprimer cette situation. C'est tournant, c'est compliqué. Donc, j'ai peu de temps et j'ai déjà parlé trop longtemps. Donc, je vais juste terminer sur en m'appuyant sur le travail d'une collègue de Pierre Fournier à Aix-Marseille qui s'appelle Laura Saint-Emery, qui a fait sa thèse sur Seveso et qui a récemment écrit un article dans lequel elle développe le concept d'incertitude épistémique par rapport à celui d'incertitude morale. Alors celui d'incertitude épistémique, elle renvoie plutôt aux travaux de Latour et Calon sur le risque, etc. Celui d'incertitude morale renvoie plutôt aux travaux de Boltanski et Thévenot sur comment est-ce qu'on justifie une situation de alors, ce qu'elle appelle, elle, dans ces termes, l'attachement à un lieu. Et un lieu, c'est pas le topos. Le lieu, ça correspond plutôt à ce que un collègue japonologue appelle, Augustin Berg, appelle la kora. Et la kora, c'est un lieu qui n'est pas déplaçable. C'est-à-dire que si le capitalisme, c'est le mobilhome, c'est-à-dire que bon, le fric qu'on peut produire à l'endroit X, on peut aussi le produire à l'endroit Y avec des quantités de, avec un dispositif de production analogue. La kora, c'est pas ça. La kora, c'est cette petite rivière de Fukushima dans laquelle je pêchais avec mes gamins, c'est là où j'ai eu un, je sais pas, où mon être le plus intime, le plus fort est né à ce que vivre veut dire. Donc c'est là. Alors l'être symbolique, l'humanité, la dimension symbolique de l'humanité en son sens le plus fort. Et alors pourquoi je parle de ça? Parce que actuellement, à Fukushima et dans le nord du Japon, on a une polarisation extrême de la critique entre, d'une part, disons, tout un discours sécuritaire, c'est-à-dire la radiation, c'est pas dangereux, pour soit écarter complètement le risque, l'incertitude épistémique. Il y a aussi un discours qui minimise ce risque, par exemple, tout le discours sur la résilience. La résilience des populations. Voilà. Donc d'un côté, la minimisation ou le déni du risque par le discours sécuritaire ou la résilience, et de l'autre, alors du côté peut-être de certains antinucléaires assez, je sais pas comment dire, mais c'est pas tout le mouvement antinucléaire, mais une certaine partie du mouvement antinucléaire, tel qu'il s'est réveillé au lendemain de Fukushima et après cette période d'apathie que j'ai évoquée. Qui tend à nier l'incertitude morale et l'attachement au lieu, en disant « Non, Fukushima, c'est complètement pollué, il faut partir, quel qu'en soit le prix. » Mais il y en a, s'ils partent, c'est tout leur être qui s'effondre. Quoi. C'est pas seulement qu'ils perdent leur boulot. J'avais une photo là, d'un paysan qui s'est suicidé, Et avant de se suicider, sur la table, il a écrit son testament, enfin son dernier message à sa sœur. Il y a toute une... Moi, rien que de voir cette table, je suis ému parce que s'il a écrit à la craie sur une table en bois, et puis il y a marqué Genpatsusai nakereba. Si seulement il n'y avait pas des centrales nucléaires, eh bien, il ne se serait pas suicidé au sens que il faisait partie de la zone qui était prête à évacuer. Mais en fait, il a dû massacrer tout son cheptel, et là, on retrouve les images d'horreur qu'on a pu avoir par rapport à la vache folle, etc. Donc, des crises, une crise tout à fait comparable à d'autres crises sanitaires ou industrielles. Mais. Pour lui, c'était pas simplement, c'était pas compensable, c'était pas réparable avec une somme de monnaie, une somme d'argent aussi importante soit-elle. Voilà, donc vous voyez, cet état de la critique. Et alors moi, je suis assez mal entre. C'est pas, je veux être ni pour ni contre le nucléaire. Non, moi après Fukushima, je suis contre, quoi. C'est là où mon souci d'objectivité sociologique va être un peu en faute. Je crois pas que l'objectivité, c'est ça, de parler de position. On va peut-être pas faire un débat sur l'engagement, etc. Mais en tout cas, ouais. Par rapport à... Mais je veux continuer à faire de la sociologie de la critique, comme invite à le faire Luc Boltanski depuis des années, en ce sens que je veux pas non plus... c'est ce que disait Pierre très bien tout à l'heure. Il faut bien montrer sur quels matériaux on s'appuie et qui dit quoi, et ne pas privilégier le risque épistémique parce que le risque moral serait insignifiant.